Et 18h, c'est le moment de faire un petit point sur l'information avec le Flash Info de Hugo Ruher. Hugo, bonsoir. Bonsoir à tous. Du changement concernant les règles sanitaires pour lutter contre le coronavirus en France. Désormais, il est recommandé de ne plus porter de masque fait maison. Selon le Haut Conseil de Santé, ils ne sont pas assez filtrants pour protéger des nouveaux variants de la maladie. Autre changement, il concerne la distanciation physique. Elle passe à 2 mètres au lieu d'un seul. Concernant la vaccination, il y aura assez de doses pour tous les Français d'ici la fin de l'été. La promesse d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, a tenté d'éteindre la polémique concernant le retard à l'allumage de la France. L'enquête progresse 3 semaines après la rave party polémique du Nouvel An à Luron en Bretagne. 5 nouvelles personnes ont été mises en examen. Elles sont soupçonnées d'avoir organisé l'événement qui avait rassemblé plus de 2000 participants. Le tout en pleine crise sanitaire sans respecter le couvre-feu ni les gestes barrières. Au total, 9 personnes ont été mises en examen dans cette affaire. Pendant ce temps, les hôpitaux des Alpes-Maritimes sous pression, le taux d'incidence dans le département est le plus élevé en France métropolitaine. Une situation aggravée par le variant britannique qui, selon les experts, serait 3 fois plus présent sur la Côte d'Azur. En Haute-Savoie, au moins 14 personnes d'un groupe de touristes britanniques ont été testées positives au Covid-19. D'autres examens sont en cours pour déterminer s'il s'agit du variant anglais du coronavirus. En attendant, toutes les personnes sont confinées dans leur résidence de vacances près de Chamonix. Grève suspendue au journal L'Équipe. Les salariés ont suspendu leur mouvement entamé il y a 2 semaines pour dénoncer un plan social qui menace toujours des dizaines d'emplois au sein de la rédaction. Absent depuis 14 jours des kiosques, le quotidien sera de retour demain en version papier. En revanche, le magazine sera lui uniquement disponible en numérique. Le mondial masculin de handball et l'équipe de France qui affronte en ce moment l'Islande. En cas de victoire, les Bleus feraient un grand pas vers les quarts de finale. Du foot également ce soir, 21e journée de Ligue 1 avec un match avancé. Le leader, le PSG qui reçoit Montpellier. Coup d'envoi 21h. Et puis la Corse, toujours en alerte orange pour orages et vents violents. Des rafales à 120 km/h sont attendues. Voilà pour l'actualité. Très bonne soirée à vous. Merci Hugo. Et prochain rendez-vous avec l'information, ça sera demain matin à partir de 7h avec le Flash Info de Jean Damien.